par le son et ça pue la naissance. J'compte bien trouver la faille pour percer ta défense sans faire preuve de méfiance. C'est vers le mal qu'on fonce, donc automatiquement dans la merde on s'enfonce. Malgré ça je m'efforce à faire la différence. Petit à petit le temps passe et je vois que la vie c'est as. On est bien que quand on tease ou quand on se défoule au sport. Dès que je peux je concrétise ma chance, ouais je garde espoir. À qui la faute? Si ça pique grave tu se battes le spar. Faut que le son tourne comme la scred à Paris baisse pas. Je baisse pas les bras même si le bonheur m'épargne. Ce morceau c'est ta frappe comme du somme qui vient d'Espagne. Je compte pas finir ici bloqué dans l'impasse. Dans la street que des pinces, dans un monde de rapaces. Tout ça ça me dépasse donc en studio me dépense. Une spéciale pour mes sauces 8-900-800. Partir d'ici avec un putain de principe. Quitter mes racines et oublier mes amis. Ceux qui me causent des ennuis j'en déduis que personne peut me réduire. Peur de séduire franchement je m'en bats les couilles. Je préfère jouer au foot que faire le fou. Des conneries j'en ai fait trop tard pour regretter. Faire plaisir à la marée c'est ce que j'aurais souhaité. Grandir sans daron ça m'a mis la gangrène. Surtout quand tu grandis tu te fais entraîner dans le vol et le business. Tu portes tes couronnes. Essaye de sauver ta peau car y'a trop de lobo qui essaye de me conquérir. Investir sur terre, ça sort le broly. Et c'est la guerre perdue dans les délires du quartier. Comment rester entier, voilà un résumé du quartier qu'à la force de résister. Tête d'argan comme la résine que t'as dans les veines. Tant de haine réside et trop de touches dans l'oxygène. Le bled t'a mis au monde, la France t'a adopté. La seule chose qu'on te demande c'est pas de cette paraffinée. Zepi, t'as une Clio en réserve tu rôdes. Pas le permis, nique sa mère, t'esquive les contrôles. Ta vie part à la dérive et toi tu rétrogrades. Tu grattes un haut de stick pour que tes soucis s'évadent. T'es plongé dans l'alcool, attention de pas boire la tasse. Les tasses te tapent l'épaule et attends qu'ils te les hessent. Après la cesse tu tapes, symbole du pédale. Dans la cave tu t'isoles, oh shit tu n'es plus fidèle. Le zèle c'est plus facile, ça rapporte de l'oseille. Fais bellec à la fouille car une patrouille te surveille. Tu vis la vie réelle, toujours aux côtés de la volaille. Tu dis que les représailles pour toi c'est un rituel. Je représente là où je vis, là où je reste, où j'ai grandi. Où j'ai craqué des perteries, où j'ai brillé petit à petit. Les matchs de foot, t'as le checks pour supporter les petits. À 15 dans une caisse en escapade, attisé toute la nuit. Je passe la prochaine pour les sauces. Les vrais et pas les groupes, MC qui panique pour des petits qui obéissent comme char de groupie. Je sais que ça fait mal, mais c'est pas fini. Chaque classe truelle n'a plus fini. 8 mesures sur le beat, c'est déjà de la folie. Je reviens furieux. Pour la mythe, vénère à vivre, j'espère que t'as compris. Je sais que je kiffe, mais j'ai des gaffes et de ses erreurs, j'ai appris. Un gros coup de chasse dans les artères quand certaines vues sont parties. Cousent dans ma tête, c'est bagarre. Et dans mon cœur, des airs de copie, c'est vrai, m'a fait mal. Car le level, j'ai repris son nick tout. La main sur le cœur, prends-le comme une Vatessie. Ouais, je sais d'où je viens, et c'est la serme. Il me faut tu comme une arme, bac au vocal. On sait se mesure comme c'est pas permis. Plus droit à l'erreur, mais dois-je rester d'équerre et faire parler mon cœur à chaque nouveau décor. Être au volant d'un car sur le sentier de la guerre, poursuivi par la rancœur qui donne pas cher mon corps. Me noyer dans le ricard, tout faire en solitaire. Apprendre le mal par cœur et faire de la coke mon sort. Entamer ma vie peinard dans cet avenir précaire. Pas être quelqu'un de menteur quand ça critique à tort. Pas plus qu'un autre écart, mais beaucoup moins de repères. Plus rien ne m'écœure à entendre toutes vos histoires. Ça vante les écarts, nous volons nos repères. De la tête à contre-cœur, la scar de la préhistoire. J'perds la boule, mon frère, à vouloir faire la belle. Et v'là que la poisse déboule et m'assomme à coup de pelle. Si ça convoite ton boule, c'est que tu fais ta belle. Pas un seul pitbull ne répond quand on l'appelle. Qu'est-ce t'as cru ma poule, que la chance roulait des pelles. T'es dans la mauvaise poule, rejoins l'équipe pour appel. Le taf c'est les ampoules, mais l'honnêteté je te le rappelle. Et ouais, tête d'ampoule, la zone, moi j'en ai ras le bol. Fais bien gaffe aux apparences, tu pètes la manger à l'envers. Les jeunes d'ici sont incités et par les braquages à Anvers. Laisse-moi toucher le micro comme un pyro, je vais tout m'écrater. Toi tu kiffes aller au pute, tes mecs ont pas de pousser tous des traves. Mazik fait bouger les têtes, et mec pourtant tu danses pas. Toi tu veux étranger, ok, tu fais bien ce que tu veux dans ce cas. Laisse-moi vivre ce que je kiffe, ce que je dis, c'est ce que je kiffe. C'est un max de rime et de raid, pas que par milliers faire je deal. Quand j'accélère, personne peut me rattraper sur ce beat. Écoute la dynamite, te brosse, t'écoute comme à l'époque de beat de boule. Putain, ça pue les keufs ici, comme s'il y avait que des poucaves. Ici, très peu de victimes, frère, tu peux compter que des coupables. Cette jeunesse est excitée, donc impossible est la manœuvre. Quand Lucifer est décidé, viens dans le quartier, y'a plein de malheurs. Ils peuvent bien me la faire en secret, ils peuvent pas me briser les côtes. Tôt ou tard, on peut te la mettre, et même si ça vient de tes potes. Mais y'en a marre des tatanes, donc j'avance à tâtons. Et s'il y a moyen, je traîne. Amateur de téton, connaît rarement la panne. Investisse dans le caleçon, et si tu veux ton cœur crame, c'est 06 que poisson. Un peu de ci, un peu de ça, c'est l'extasie. En prison, on m'a dit si t'es au peine, tu fais le ramasseur de savon. Y'a que les braves qui savent, te parlent pas ceux qui jacquent, mais qui font. Si tu vois rôder la nuit, c'est que ma soirée en dilote. Ce soir, je m'en fous de la gueule. Je veux juste de la weed, j'ai besoin de me mettre stone. Tends-moi juste un calibre, ramène-moi une peine chienne. Que je me vide dans le chien, fais péter le Porsche Cayenne. Qu'on joue les gros, caillis dans moi t'attends la hype, autant qu'être trop croco contre un starco. Ghetto millionnaire, c'est nos richesses, pas d'une vie de chaton. C'est le boost des invalides, que tu sois et bouge tes sables. Que tout puissant me kill, c'est parce que je raconte que de la merde, gros. Ils veulent que les pauvres des pays riches payent pour les riches des pays pauvres. Ouais, 2010, illuminé, illuminati. Ouais, ouais. Je vais casser les préjugés. Écoute le QI avant de juger. Ouais, ouais. Tu veux me parler de Darwin? Moi je t'appelle Cheetah. Parle pas de théorie, c'est Darwin. Pourquoi le singe n'évolue pas? On enseigne la gravité, Newton n'est qu'un mytho. C'est qu'une histoire de pomme, pour y croire faut se lever tôt. Ils ont trouvé le trou noir et prouvé qu'il avait tort. Encore dans les livres d'histoire, la connerie ils ont le record. Marcher comme un mouton, parle pas de poussière d'étoiles, d'atomes de hasard. Moi je te parle de maths, d'un livre, d'un étendard. Le chiffre d'or ma perle, dedans cette huître. Le chiffre d'or c'est 1,618. Les stages, les caillasses, ils niquent toute notre caillasse. Le soir ça bagaille, les poucas vide des rails. Ils nous foutent sur la paille, sur le biche des forêts. T'inquiète, j'pose mon freestyle et c'est pas des batailles. J'me gêne dans la bataille, rien à foutre si ça caille. J'te ferai pas de détails, j'pose avant que les vestailles. C'est Kirby la rafale, un flow monumental. Les pédales détalent, j'suis violent comme le moutaille. Pas besoin de gilet pare-pale quand j'm'écris, ne parle pas. L'attention est palpable, dis tout ce que j'pense tout bas. Italiano tout bas, avec moi pas de coups bas. T'inquiète, j'fais des dégâts, vas-y ramène des gars. La vie c'est une course remplie de secousses, très peu de secours. Où nombreux secours la tisse dans la gourde. Et c'est sur tes gardes pour éviter d'être à la bourre. C'est toujours la peur, les soucis poussent vers le bas. Du coup t'es sur le bord pendant que Chétan se tape des bras. Beaucoup deviennent bâches, une vie basée sur la gamberge. T'as fait couler ta barque, c'est les soucis pèsent. T'aurais voulu prendre le large, mais les choses s'amassent. Quand tu prends de l'âge, un skiff et tu te sens lèche. À la tente d'une éloge qui te rendra moins cloche ou moins lâche. Le tout c'est d'éviter la lèche. L'estime de soi est vite qu'elle s'allège. La vie c'est dur et Chétan est de mèche. La jalousie c'est moche et t'en perds ta pêche. Beaucoup de choses t'empêchent de tourner la page. Quand tu prends des piges, la routine te met en cage. De temps te saccage, marqué sur ta face. Sache que rien ne s'efface. Le repenti t'évitera sûrement d'autres choses néfastes. Eh ouais mon pote, ça vient du 8-900, écoute hein. C'est RIFA, le RAPSA, INSA, Nyoma, Escott, AEF, Dabs, Riffraff, Kirby, Hex, ok hein. Sub 200, ça reste pas là.